Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM et comme le veut la tradition de Nuisance, donc l'émission qui commence à peu près à 21h le vendredi soir, il y a donc l'installation. Au préalable, vous aurez donc du silence radio, que l'on appelle donc silence radiophonique, en attendant donc l'installation. Donc l'installation, toujours le moment important de Nuisance. Voilà, vous allez donc m'entendre trifouiller des câbles, entre autres, et également sortir des MD du lecteur mini-disque et d'autres choses tout aussi passionnantes. Donc pour commencer, nous allons trifouiller donc. Comme je vous disais, des câbles et des assiettes en porcelaine. Font office de cendrier. Dans les locaux donc de cette radio au 40 rue Alfred Duméril à Toulouse, France. En 2011 de notre ère. Un peu d'air. Entre autres fouillages de matos, nous pouvons trouver également des tables de mixage et des ordinateurs, ou plutôt un ordinateur et une table de mixage. Ils sont multipliés par plusieurs tout au long de cette soirée. Pour nous faire passer le temps, nous allons écouter dans quelques instants des témoignages. Des témoignages de résistance. Donc résistance comme la grande résistance, donc pendant la seule grande guerre qu'il y ait eu dans ce pays, la deuxième, peut-être. Peut-être qu'il y en avait une autre, je ne sais pas trop. J'ai été viré de l'école, j'ai une sale éducation, je ne connais pas l'histoire de ce pays magnifique, qui est la France. Mais qu'est-ce ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais chantonner un air. Alors, pour être plus efficace dans notre recherche intérieure et ou extérieure, nous allons à la fois écouter un lecteur cassette qui s'ouvre. Et donc un entretien avec le fameux, si je dois le présenter, je le présenterai, sinon non. Et ensuite, également en même temps, donc comme je vous disais, pour être plus clair, donc les premiers résistants, les premiers donc résistants, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Eliane Millot, donc. J'ai oublié de vous préciser que les entretiens sont avec André Voisin, donc voilà, c'est tout à fait incantatoire. Si j'arrive à trouver les cassettes, je vous balance les cassettes dans la face, tout en criant gare. De Van Lieb, Van Bock et Van Rundstedt percent le front, provoquant l'exode de millions de Français et la débâcle de leurs responsables civils et militaires. Talonné par 2 millions d'Allemands, le chef de l'État, Albert Lebrun, c'est de l'histoire ce soir, dans Nuisance, c'est l'histoire de la France, ce beau pays. Paris pour Bordeaux. Serge Ravanel. La défaite de 1940 a été pour moi un drame totalement fabuleux. C'est comment ? Vous savez, je regarde tout ça, la nature, sans image. Disons d'abord que comme la grande majorité des Français... Donc, il n'y a pas de distance entre notre pays l'homme et la nature. Par exemple, vous commencez une journée, vous aimez être, respirer dans la nature... Les arbres, pour moi, sont des amis, vous savez, je le sens très proche. Oui, comment par exemple? Est-ce qu'on est l'ami d'un arbre? Je ne sais pas comment dire. Vous savez, chaque jour, si on n'a pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, les... tout ça. Tout à fait passionnant. Chaque jour, c'est pour moi ou pour vous. Oui, disons-le une fois. Disons-le carrément. Allons tous nous faire foutre. Je l'ai dit. Oui, vous êtes lavé d'hier. D'hier. C'est oui, ça, lavé. Lavé. Oui. D'hier. Et alors, vous voyez. La en parlant de se laver. Les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est. Tellement belle, tellement. Lavons-nous vivant. De la mort. Oui. Vous savez, quand c'est vous voyez absurde. L'arbre sans image. La distance ailleurs, entre vous et l'arbre. J'étais un petit peu cocardier à l'époque d'une façon qui aujourd'hui me ferait sourire. Une distance physique. Il y a de la distance physique, et mais oui. La distance donc, psychologique intérieure oui. N'existe pas. Alors vous voyez les arbres beaucoup plus de l'armée le 14 intimement et beaucoup plus net, beaucoup plus finement. Non, c'est. Vous le voyez pour la première fois, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Dans un temps tellement bref, je dirais presque, le nombre de semaines se compte sur les doigts d'une main. Une journée commence comment pour vous, savez, pour moi, fabuleux, c'est une question dans cette de, l'impossibilité, puisqu'on s'est trouvé confronté devant une situation totalement dormant, totalement impossible parce qu'ils ont et qui des problèmes. Gilbert Brousselin, en 1940, quel est votre sentiment lorsque se produit la défaite? Et à ce moment-là, j'étais sans pendant qu'il dort, les j'étais problèmes se Orléans, mettent en ordre. J'étais à Orléans, vous comprenez et très bien. Je devais monter au front. Si on colonel, si on le met. En réalité, c'est le front qui est venu à nous. Toute la journée en ordre. Et le front venant à nous, on nous a évacués. Et je me suis retrouvé de cette façon pas à la bonne besoin guerre. De résoudre. Résoudre. Les donc, Allemands il est beaucoup plus calme. Avançant derrière nous. Il n'y a pas de règles. Me battre à Berthelming, Saint-Jean-de-Bassel, d'image. Pierre-Henri Tedjen. Dans mon régiment comme ça, d'avant-garde de l'Imaginaux, au premier qui jour, avait été désigné pour être régiment de retraite de la 4e armée, d'arrière-garde de la 4e armée, dans une compagnie qui était arrière-garde de mon régiment. Donc, il faut de telle sorte les que, problèmes à partir du 15 juin, j'ai perdu le contact le avec mes chefs immédiats, mon chef de bataillon, mon colonel. Tout cela était en fuite, si j'ose dire, et j'étais chargé de retarder l'agression ennemie et de tenir d'étape en étape le temps qui m'était fixé. Ça n'a pas toujours été drôle, puisque j'ai perdu dans cette triste aventure presque les deux tiers de ma compagnie. Et là, vous mettez le corps, la mes deux lieutenants tout, tout en place, tout en harmonie, parce que vous savez, toute la journée, je regarde. Ce que je fais, il est venu sur la route, sur la route bleue. Il a dit, c'est la déroute, donc il y a toujours. Oh la fille, écoute-moi et prends pitié de moi. Être en harmonie. En harmonie. Et dans l'eau limpide et pure, il baigne à son il y a corps, pitié de nous. Il n'y a pas d'arrêt. Ses blessures, sans savoir c'est très son important. Parce que les rêves sont des expressions de la journée. Contre lui, il m'a serré pour mieux si vous avez compris la journée, arrivé si on a... Par exemple, à un moment donné, de faire non, contrôle, des contrôles de circulation routière. On a pas, la cervelle n'a pas besoin de remettre les choses sur la route de Poitiers. Donc Poitiers c'est à Paris, beaucoup, à quelques c'est kilomètres reposé. De Poitiers. Et là, impuissant, nous assistons au défilé. en voyant tout ce que ça comportait de dégradation, de misère. Hors de la pensée, vous savez. Mélange. Et là, une autre possibilité. Et aussi des fonctionnaires qui fuyaient. Et tout ça, c'était quelque chose de très triste. Libre. Et donc, des images. J'ai eu le sentiment que la France avait subi en 1940 la plus grande défaite de son histoire. S'il y a un problème, comment... La France avait été déjà battue en 70. Il faut le finir. Mais je crois que la radicalité de la défaite et de la destruction et obturation qui l'a accompagnée m'a paru ce phénomène a pris pour moi la lueur d'une catastrophe sans égale. Pas égale. Mais pourtant, quelquefois, cette chirurgie fait mal. Non, au contraire, ce n'est pas une chirurgie. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. On comprend. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2, Kurzweg und Luxemburg. Alors, parlez avec elle. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Si j'ai un image. Das Oberkommando der Wehrmacht, dites bekannt. Et vous avez une image de moi. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front. Zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Louis empfindet der Eimer der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Le 14 juin, la radio allemande annonce l'entrée de la Wehrmacht dans Paris. En 5 semaines, tout s'est écroulé. La confiance qu'inspirait l'armée française, la volonté incarnée par le président du Conseil Paul Reynaud et son sous-secrétaire d'État à la guerre Charles de Gaulle de résister à l'envahisseur. Malgré l'attitude héroïque de quelques unités et la mort de plus de 100 000 hommes en quelques jours, beaucoup de Français sont prêts à accepter une défaite que le maréchal Pétain, nommé président du Conseil dans la nuit du 16 au 17 juin, considère lui-même comme inéluctable. Le 17, à midi, à Bordeaux, le reporter Samy Simon enregistre la première déclaration de Pétain. Encore inconnu, éparpillé dans tout le pays, quelques-uns des futurs responsables d'une résistance dont tous les ressorts, en ce mois de juin 40, semblent pourtant brisés, écoutent le message du nouveau président du Conseil. À l'époque, j'étais élève à l'école d'artillerie de Fontainebleau, élève officier. Serge Ravanel. À la suite du repli de l'école d'artillerie de Fontainebleau, nous nous trouvions au moment où le maréchal Pétain a prononcé cette fameuse déclaration indiquant qu'il allait demander l'armistice. Et c'était le, je me rappelle le soir, j'écoutais un petit poste de radio dans une chambrée. La chambrée était obscure parce qu'il y avait le couvre-feu. Et par conséquent, toutes les lumières étaient éteintes. Et il y avait là un espèce de petit fourneau. Et il y avait un petit poste radio sur le fourneau. Et dans la nuit, on ne voyait que la petite lumière qui éclairait le cadran du poste radio. Et dans cette chambrée, il y avait des lits. Mais je crois que toute notre promotion était là. Autrement dit, nous étions peut-être une centaine dans cette chambrée, assis sous les lits, les uns à côté, serrés les uns contre les autres. Tout le monde n'avait pas pu s'asseoir sur les lits, il y en avait qui étaient debout. On reste. Et on attendait le discours. Et cette attente était épouvantable parce qu'on nous l'avait annoncé pour un moment donné. On a entendu une seule chose. On a entendu les premières notes du refrain de la Marseillaise qui se répétaient inlassablement. De cet homme qui avait été cherché un bout et Les minutes se prolongeaient et il n'y avait que ce refrain à la fois patriotique et vide et automatique. Chaque jour. Et le maréchal Pétain ne parlait pas. Il y avait ça. Et ça a duré un temps long, long, long. On attendait et il y avait toujours ce refrain. Pas une parole, rien du tout, pas une annonce de speaker. Ça peut durer 10 minutes ou 12 minutes. Vous verrez donc nous connaissions. Samy Simon. Comme il entrait dans le studio, l'orage qui menaçait depuis le matin brusquement éclata. Un orage d'une violence incroyable. En un instant, le ciel se couvrit de nuages d'encre, les éclairs succédèrent aux éclairs, et des trombes d'eau s'abattirent sur la ville dans un roulement continu de tonnerre, semant la panique parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui campaient dans les rues et qui s'enfuient affolés en tous sens, croyant à un retour offensif des Stukas. Après 2 heures. Et à l'instant précis, le maréchal commençait sa lecture, la foule éclata à deux. Les vitres du studio tremblèrent, et dans la cabine, le burin sauta sur le disque en cours d'enregistrement. Qui ne va pas, alors il fallut tout recommencer. Au bout d'un moment, les techniciens me firent signe qu'ils étaient prêts. Je comptais à nouveau 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le maréchal reprit sa lecture. Vous le portez maintenant. Il n'avait pas dit 3 mots. Qu'un nouveau coup de tonnerre vint l'interrompre une seconde fois. Nouvel arrêt. Puis un troisième. Oh mon Dieu ! C'était vraiment comme si quelqu'un eût voulu l'empêcher de parler. Comme si toutes les puissances célestes se fussent liguées contre cette voix. La relation avec la fin, nature, pourtant, l'orage s'apaisa. Et le maréchal put achever l'enregistrement de son message. Ce message qui allait apprendre aux Français, officiellement. En s'absentant, venait de perdre, en quittant la nature... On détruit le nom. Comment est-ce que... Regardez la pollution. Comment ? La pollution, oui. On détruit la mer, la terre. Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Vous savez, je ne mange pas de viande. Oui. À l'appel de monsieur le président de la République. J'assume, à partir d'aujourd'hui, la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne. Et c'est ce qui donne ce que vous appelez une sensibilité de corps. Que vous ressentez, alors. C'est-à-dire avoir un corps qui est lui-même... Le corps a son intelligence. Si on n'habite pas par la nourriture, vous avez pas le plaisir de manger. Les oiseaux, les animaux, ça ne faut pas tuer. La vie doit être respectée. Respectée, sacrée. Est-ce que ça ne va pas trop loin? L'homme a un rôle quand même. Mais même, il faut manger. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand on mange maintenant un chou-fleur, on tue. Que oui, quelque chose. Alors, il faut se limiter. On était en groupe en plus, c'est-à-dire que les sentiments sont plus profonds quand les gens les partagent autour. C'est comme ça. L'annonce de la défaite, elle est véritable. Oui, Pierre Lefond. Nous avions tous, portons tous en nous la conviction que la France ne pouvait pas perdre la guerre. C'est absolument impossible que une force était capable d'assurer l'indépendance nationale. Et subitement, en quelques jours, l'ensemble de cette construction que nous pensions immuable et impérative s'est effondrée. Pour les hommes, c'était. Subitement se trouvait en face d'un néant qu'il n'avait jamais imaginé. Alors là-dessus, le maréchal le Pétain a pris la parole, c'était la voix d'un vieillard déjà très fatigué. On comprend absolument plus rien, c'est un gros bordel. Je crois pas qu'on va s'en sortir ce soir. C'est pas ce soir qu'on va s'en sortir, c'est sûr. Dans Nuisance, sur 92.2, Canal Sud. En tout cas, nous les jeunes, nous ne sommes pas du tout responsables de ce qui se passait. Nous avons pris ça en partie. Ce n'est pas ce soir. Moi, j'ai pris ça presque comme une insulte. En disant, vous avez de tort, vous n'avez pas pris vos responsabilités, ce qui arrive, c'est de votre faute. Nous n'acceptons pas ça. On va lutter sur les routes. André Tollet. Alors, on va essayer de ne pas se faire prisonnier. Oui, absolument. D'ailleurs, aussitôt passé la ligne, là, quand on était du côté de Cahors, je me suis retrouvé avec André Leroy et avec le stagiaire de mon syndicat, petit officier. On a fait courir ensemble, et là, on s'est interrogé, on a tout de suite analysé. Ça n'est pas bien. Vous savez, il faut savoir la révolution. Vous traînez le 17 juin 1940, je crois que vous êtes capitaine du 43e d'un corps d'armée près de la ligne de violence, lorsque les Japonais arrivaient au pouvoir, Maréchal Pétain et son appel, je crois, au 18 août, c'est donc le 17 juin, qui vous a emporté. Quels sont les sentiments que cela vous inspire? Moi, c'est la vraie révolution. La révolution, ça va mal être suivi pour moi, parce que moi, les mots, j'ai en pleine retraite. Le monde social, je suis sur la poche de la radio qui politique, nationale, l'appel du Maréchal Pétain, demandant la justice dans l'honneur et dans la dignité. Donc, il faut, s'il veut changer ça, l'impression il faut que j'ai pleuré. Changer soi-même. Oui. J'ai pleuré comme les deux mais camarades qui étaient avec moi. On fait une révolution. Vous étiez incapable de prononcer général, un mot. Pour nous savions bien que la situation était désespérée. Si on change, si on se change soi-même, brusquement, alors que la bataille durait, c'est pour devenir quoi ? Entendre cet appel, c'était la gorge serrée, c'était la tristesse, c'était le désespoir. Nous n'étions pas en position de faire des raisonnements politiques. Après coup, après réflexion, oui, bien sûr. Mais sûrement, ça n'était que cela. Être neuf. Donc, ce n'est pas la situation. L'endroit de nous battre, les contreforts. C'est accessible. Chacun peut faire des choses. Mais ça, ce qui se passait ailleurs, en face de la France, ça ne se fait pas. On ne savait pas. Donc, pourquoi cela avait été fait ? Il y avait peut-être des raisons. Je n'en sais rien. Donc, vous dites que ce n'est pas le temps. Eh bien, paradoxalement, et contrairement à beaucoup, ce n'est pas l'appel du général de Gaulle qui m'a incité à partir en Angleterre, mais bien le discours que Pétain a prononcé le 17 juin à 1h de l'après-midi, annonçant qu'il avait demandé l'armistice. J'ai réagi parce que j'avais 19 ans, je ne m'étais pas battu, et j'ai pensé qu'il était indispensable que le conflit n'étant pas terminé à mes yeux, que je sois mêlé au moins à la suite. Qui était à l'île de Bréa, nous y avons pris place et nous avons traversé la colonie entière. Le 18 juin, en Angleterre, où il se trouve depuis quelques heures, le général de Gaulle lance pour la première fois un appel à la résistance. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Quelle est sa place, justement ? Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Quand je crée le mieux, ce n'est pas moi qui crée. C'est que mais le dernier mot est-il dit ? Je suis l'espérance doit-elle disparaître ? Sous la dictée de quelque chose. La défaite est-elle définitive ? Ça veut dire quoi ? Non. Ça veut dire que je suis probablement croyez-moi, en harmonie. Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. N'est-ce pas ? Oui. Vous, comme les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour seulement la victoire. Cette flamme existe. Car la France n'est pas seule. N'est-ce pas ? Elle n'est pas seule. Non, la France n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Tout à fait. Ah ça non. L'expression. Il faut cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par mais la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. La forme, le destin du monde est là. l'attachement, moi, la peur, général de Gaulle, le plaisir, actuellement à Londres, de choix de j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique, qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes, donc, oui, c'est sans leurs armes. Des images. Des images. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique, qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Nécessaire quoi pour qu'il arrive, vivre un peu. La flamme en de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. C'est néfaste. Charles de Gaulle. Une brave dame qui sortait de la messe ce matin m'a dit, vous savez, monsieur, le primat de Gaulle est en Angleterre. André Tollet. Elle connaissait pas le général, mais elle connaissait le primat. C'est comme ça que je me suis renseigné quelle était cette histoire du primat de Gaulle et des braves gens chez qui j'avais été boire le café un soir. C'est le général de Gaulle, que personne ne connaissait d'ailleurs peu à l'époque. Il était connu que par des gens qui étaient intéressés à son bouquin sur l'armée de métier. J'avais convaincu qu'il était tout le. Et que pensiez-vous de cette initiative? De Gaulle. On ne pouvait pas, genre, je vous avoue que j'en pensais pas grand chose encore. Je n'en pensais pas grand chose non plus, j'avoue. Qu'on avait connu avant, pendant et après, on avait des raisons de se méfier. La vie profonde, et comme je dirais, j'étais plutôt un peu anti-militariste encore à cette époque. Ma foi, un général, ce qui venait d'un général, c'était un peu plus de ce qui après. J'ai rendu compte que, en retrouvant mes camarades qu'on a échangé, je n'ai pas connu le général de Gaulle, je dois dire, avant. Je prends probablement le mois d'août. Sonia Éloi. Parce que j'entendais parler d'un général français qui était en Angleterre, mais je ne connaissais pas son nom. Mais je crois que les Gaulois, Gaulle, et je pense que c'était un faux nom. Maintenant que ce message n'a pas été entendu, ce n'est pas étonnant. Nous n'étions pas entourés de merveilleux instruments comme ceux-ci. Marie-Madeleine Fourcade. En plus, les gens étaient sur les routes, ils n'avaient pas de courant dans leur voiture pour prendre un poste dans la voiture. Alors donc, c'est de bouche à oreille que ce message s'est transmis. C'était encore plus beau que ce message a été vraiment, pour le siècle, la grande force de la France. Quand je suis arrivé à Angoulême, Gilbert Brustlin, si la division existe, on nous a annoncé que l'armistice était la division entre les hommes. Et Maréchal Pétain a fait un grand discours à la radio en disant j'ai signé un armistice dans l'honneur militaire, etc. Vous voulez dire que oui, dans cette situation, et moi, j'étais soldat, j'étais à Angoulême, j'étais à l'auberge de la jeunesse, le temps discuté entre les camarades des auberges de la jeunesse. C'est l'éternité déjà, ça quoi. Ça veut dire, on était trois soldats, il faut dire, tu sais, nous on est juifs, les Allemands arrivent, l'armistice est signé, par conséquent ils vont vous démobiliser. Mais c'est au fond, vous voulez, c'est une autre dimension dans laquelle Vous régulariser votre situation. C'est ce que nous avons fait, nous sommes venus dans le problème. Et puis les Allemands, ben, pour régulariser la situation, les revolvers au point, ils nous ont fait monter, nous ont entraînés vers la gendarmerie. À la gendarmerie, ils nous ont enfermés dans la caserne de la gendarmerie, mitrailleuse devant la porte. Et puis tout un tas de jeunes nervis, l'homme d'affaires, militaires, allemands, des images, des autour images. De la caserne, qui nous surveillaient, revolver au point. Non seulement dès le monde. Et on était prisonniers. Extérieur, c'est-à-dire que l'armistice était signé et nous, on était fait prisonniers. Mais les Allemands nous avaient pris, malgré l'armistice, dans l'honneur. De d'être libre de tout. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. Donc, j'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat. Le monde ni blessure ni blessure. Soyez à mes côtés. Il faut comprendre. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses. C'est un long chemin, vous n'êtes pas jeune. Mais vous avez, vous exercez chaque jour quelque chose de vous-même pour que votre corps soit en éveil. Serge Ravanel, futur responsable du groupe Front de Libération. Les Allemands, au moment de l'armistice, avaient atteint la région lyonnaise et aussi la région des Pyrénées, sur l'Atlantique. Si vous voyez quelque chose. Il n'y avait strictement plus aucune résistance. Les troupes allemandes avançaient strictement sans rencontrer même un fusil devant eux. Vous vous écartez. Écartez, c'est naturel. On roulait comme sur des autoroutes. Si vous ne On ne pouvait concevoir la lutte qu'en dehors de France. C'est un effond, alors vous vous êtes empoisonné ou n'importe quoi. Nous étions totalement laminés, c'était battu. Si vous voyez chaque fois le danger, c'est fini. Et nous n'avions pas intellectuellement la capacité d'imaginer que le pays battu et occupé pouvait faire quelque chose. Mais dans l'immédiat, parce qu'un armistice est un arrêt des combats. Lorsqu'on a inventé cette idée, un arrêt des combats. Les gens n'ont plus le temps. Donc, je crois que quand on parle de l'exemple, je ne sentais pas la possibilité qu'il y ait autre chose qu'un arrêt des combats, d'autant plus que la négociation de cet armistice pouvait s'accompagner d'un certain nombre de clauses. Qui pouvait être négatif, ce qui d'ailleurs se produit. Car il faut considérer que l'armistice est quelque chose qui n'a pas eu que des conséquences négatives. Je parle de choses. La signature de l'acte. Quel danger, si vous pas des comportements des gouvernements ensuite. On ne voyait pas l'armistice en soi a détruit toute une série de clauses. Mais si on s'écarte qui, de ce danger, probablement joue un rôle négatif pour Hitler. Est-ce qu'il ne faut pas s'en empoigner au contraire? Oui, au contraire, il faut le poigner. Oui. Mais ça veut dire donc de l'action. Ça veut dire de la violence. Non. L'action ne veut pas dire la violence. Il faut éduquer tout le monde. La vie est comme ça. Il faut éduquer, il faut faire des choses, vous savez, honnêtes. Mais souvent, l'action, c'est sur une animal. L'animal. Et c'est ce qui compromet l'action. Compromet, ce n'est pas l'action, alors. Oui. Et donc, vous dites, pour agir, il faut atteindre l'état d'innocence où un autre genre d'action est possible. Et vous dites aussi fermement, cela est possible. Autrement, c'est le désespoir. J'étais lieutenant d'artillerie dans une batterie qui a eu la chance de pouvoir se replier du champ d'Ordogne sans problème. Jean-Pierre Lévy, futur chef du mouvement franc-tireur. Au contraire, en volant un certain nombre de véhicules sur la route, c'est relativement satisfait du devoir accompli. Mais au moment de l'armistice, j'étais le seul dans ma batterie à ne pas être content. La joie était unanime. Et nous avions vu sur les routes des officiers, des soldats qui fuyaient avant leur matériel, et l'ensemble des canonniers qui étaient avec nous, et qui s'étaient battus correctement au moment de la drôle de guerre, n'avaient qu'un désir, c'est de rentrer chez eux. C'était ça ce que nous avons vécu, et il y en avait un qui disait c'est pas possible d'accepter cette situation. Et c'était moi qui étais seul. Alors, Alsaciens, dans les régions les patriotes, juifs, est-ce pour ça tout ceci ensemble tu faisais que je réagissais autrement, ou peut-être plus vite que l'autre. Mais au moment même, c'était, comme devait le dire Léon Blum, lâche tout l'allemand. J'étais encore à grand mot dans la Creuse où mon régiment attendait cette solution. Henri Roltangui, futur chef des francs-tireurs partisans de la région parisienne. Et j'étais parti à la fontaine comme tous les réfugiés qui se trouvaient dans le patin pour prendre de l'eau. Et il parlait de Pétain. Et je dis, c'est pas lui qui nous sortira de là. Ben, je n'ai qu'une chose à faire. Notre vie, si on la cherche, c'est un voyage sans le sol. Mais il y a un moment où même c'est le silence. Voilà le silence. Pour des raisons. Le silence, c'est-à-dire la fin de la pensée. Le bon temps. La fin du déroulement de toutes les associations. Alors, dans ce silence, il y a cela se peut. Une force française aussi grande que possible. Est-ce qu'on peut parler de musique? Non. Oui, c'est le domaine d'autre chose. Et ce pourquoi vous dites souvent, là, les mots ne peuvent plus décrire rien. Il n'y a pas de langue. Il n'y a plus de mots. Parce que si on n'a pas vu quelque chose au-delà, dans l'honneur et dans l'indépendance. You've gone beyond the pain, beyond the farting of it all, beyond the shit, beyond the fuck. Fuck us. Nous sommes attrapés par la description. Oui. Nous sommes piégés. Piégés, c'est ça. Nous sommes piégés par la description. Dans ce silence, en ce moment, il y a un rapport. Il y a aussi le... Malgré les appels du général de Gaulle, malgré des conditions d'armistice très dures qui prévoient entre autres l'occupation du nord et de la côte ouest de la France, séparée du reste du pays par la ligne de démarcation, la majeure partie des Français, derrière leurs responsables politiques, leurs députés et leurs sénateurs, acceptent que tous les pouvoirs soient confiés au maréchal Pétain. Et la mise en place à Vichy d'un nouveau régime. Vaincu, la Troisième République se saborde. Le 10 juillet, le pouvoir tombe entre les mains d'un homme de 84 ans. De ne pas avoir des images veut dire vraiment de mourir. Projet de loi constitutionnelle. De mourir chaque jour. Le président de la République française, vu l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, chaque jour. Vu les résolutions adoptées par le Sénat, à chaque coup, à chaque minute, décret, article unique. L'Assemblée nationale donne tous les pouvoirs au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créé. Fait à Vichy le 10 juillet 1940, Albert Lebrun, par le président de la République, le maréchal de France, président du Conseil, Philippe Pétain. Quand on meurt, il y a l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On invente des choses pour évader cette inconnu. Annexe du procès verbal de la séance du mercredi 10 juillet 1940. Scrutin numéro 1. Sur l'article unique du projet de loi constitutionnelle. Nombre des votants 649. Majorité absolue 329. Pour l'adoption 569. Contre 82. Mesdames, messieurs, mais est-ce que vous avez aussi la certitude qu'à la mort, La définitive. Oh, si une autre naissance arrive, pas dans le sens de la réaction régulière. Non, mais dans quel sens? Dans le sens. Le gouvernement va faire face à la situation des plus difficiles que la France ait connue. Il faut rétablir les communications de tous. Or, chacun a son foyer. De prendre sa place au grand air dans une fraternité salue notre pauvre combat de la vie, je vous laissez. Les vieilles traditions qu'il faut maintenir, les jeunes ardeurs qui communieront dans un thème nouveau, forment le fond de notre race. Pour les Français fiers de la France, la France fière de chaque Français, tel est l'ordre que nous voulons instaurer. Nos y consacrons, corrigerons nos forces, consacrerons les vôtres. La patrie s'est assurée, embellie et justifie nos vies fragiles. Que vivrait la mort? Donnons-nous à la France, elle a toujours porté son peuple à la grandeur. En juin 40, Pétain a derrière lui une énorme majorité de l'opinion française parce qu'il fait cesser ce drame affreux qu'a été la défaite de 40. Raymond Aubrac, futur adjoint d'Emmanuel Dacier de la Vigerie à la tête du mouvement Libération. Et puis, d'une manière ou de l'autre, on fait courir, on laisse courir le bruit que Pétain essaie de résister, qu'il y aurait, paraît-il, quelques connexions entre Pétain et De Gaulle, enfin... petit à petit s'établit un courant de pétinistes anti-allemands qu'on sent un peu partout et qu'on sent même dans certains mouvements de résistance. Je dois dire que personnellement, je n'ai pas été indigné par la venue de Pétain au pouvoir. Je n'ai pas été indigné. Serge Ravanel. Et je n'ai pas été indigné pour la raison suivante. C'est que nous tous qui ne pouvions pas accepter la nous avons amené à nous interroger. Pourquoi y a-t-il eu une défaite? Qui sont les hommes qui étaient responsables de la défaite? Or, cette espèce d'examen de conscience auquel nous avons été amenés à procéder pendant quelques semaines, à l'époque, incontestablement, le monde politique avait fait... Née en 1895, Madame a parlé dans le sud de l'Inde. De cet enfant d'une famille brahmanique très pauvre fut découvert à l'âge de 11 ans par Madame Annie Besant. Je me rappelle cette femme remarquable a la conviction que l'enfant doit devenir le futur instructeur du monde et qu'il saura trouver le message de vérité indispensable à notre temps. Voyage, études commencent pour Krishnamurti. N'était pas grand. Jusqu'au moment où il devra délivrer son message. Personnellement, je dois dire que... Malgré l'affection et le respect, je ne suis pas du tout insurgé contre la venue de Pétain. Pas du tout. Et je pensais même peut-être que c'était une bonne chose. Les choses sont toujours très compliquées. Depuis en France, jour, à cette époque, les problèmes d'armistice étant réglés, et ce soir, il y avait un premier problème d'une haute monture. Il fallait reconstruire l'État. En votre nom, la France en soit ici, était disloquée comme un mollusque. Il n'y avait plus d'administration. Donc la chose la plus urgente était de refaire une colonne vertébrale. Une deuxième de mes réactions était de considérer... La manière de vivre. Je considérais, comme beaucoup de gens, que Pétain était un homme patriote. Autrement dit, nous avions confiance dans un patriotisme de Pétain. L'éducation juste. Nous savions que c'était un homme de droite, mais pour moi, c'était quelque chose qui, dans la circonstance, n'était pas un problème majeur. Le problème majeur n'était pas ça. Le problème majeur, c'est qu'il fallait maintenant remettre le pays sur pied. Et je pensais qu'un homme qui avait une autorité, qui était un patriote, comme Pétain pouvait le faire. Mais il y avait un troisième élément, plein d'humour. Cet élément, je le rappelle toujours parce que ça montre aussi quel pouvait être mon rêve de l'époque. Dans mon groupe d'officiers de l'école d'artillerie, nous étions totalement convaincus d'une connivence entre De Gaulle et Pétain. Ça, c'est clair et net et sans bavure, je peux dire de façon catégorique. D'abord, nous savions qu'il avait existé des liens étroits entre Pétain et De Gaulle, notamment lorsque De Gaulle avait été membre de l'état-major de Pétain. Nous savons qu'ils se connaissaient très bien. Et donc, tout naturellement, venait le titre. En plus, ils avaient été, si à un moment donné, général De Gaulle avait été par exemple, de me dire un peu. Et il était dans le même gouvernement. Vous savez, donc, ça... nous étions convaincus qu'ils se connaissaient bien et s'appréciaient. Et lorsque De Gaulle est parti à Londres, on a eu l'impression d'une vaste comédie. Bon, c'était le père qui restait en France et qui disait à son fils, « Bon, bah écoute, tu vas à Londres, et puis, ma foi, si je t'engueule un peu, tu feras semblant de ne pas écouter, mais au fond, comme ça, on réglera les problèmes au mieux. » Et pour vous dire à quel point on lui pensait, à l'époque, le bruit courait de façon insistante que De Gaulle était un fils naturel de Pétain. On en rit maintenant, mais je crois que dans ces périodes-là, c'est des psychologiques que sont des choses qui permettent de mieux comprendre la situation. Donc on pourrait presque dire, avec un certain sourire, en ce qui me concerne, j'étais à la fois pétainiste et gaulliste. N'oubliez pas mon milieu familial. Henri Freinet, futur chef des mouvements combat. Mon père, officier de carrière. C'est une forme de... Ma mère et lui, ou de non, des, non, non, bourgeoisie lyonnaise, mais ne pas dire fort conservatrice, si ça pousse, je dirais plutôt traditionnaliste. Oui. Traditionnaliste au meilleur sens ne pas du terme. La personne, moi-même, études secondaires à Lyon, puis l'armée, Saint-Cyr, école de guerre. Les donc le milieu familial était un milieu dans lequel le nom de Pétain avait une profonde résonance et son nom était entouré d'un grand respect. Pour moi, il n'était pas pensable que le maréchal Pétain puisse, d'une manière ou d'une autre, servir les dessins de l'armée. J'étais convaincu que ligoté par les conventions d'armistice, il ne pouvait pas faire une résistance avec un petit air ouverte. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, lui, c'était nous qui devions le faire. En somme, qui devait être, je reprends une formule qui n'a pas été employée à cette époque-là, il devait être le bouclier de la France. Et ceux qui résistaient, que ce soit à Londres ou sur le sol métropolitain, étaient les glaives. Et je me suis retrouvé à Montpellier, transféré de la faculté de Nancy, dans laquelle j'étais professeur avant la guerre à la faculté de Montpellier, parce que, ayant rompu mes avoirs avec les Allemands dans des conditions qui ne me permettaient pas de demeurer en zone interdite, on m'a transféré en zone libre. J'y suis arrivé au mois d'août 1940. J'ai été horrifié par l'état de l'opinion publique. Les ados sont conditionnés. Pétain était le sauveur, l'homme providentiel, tout le monde l'archange envoyé du ciel pour sauver la France. Et l'opinion ne songeait à 90% au ravitaillement et au retour des prisonniers. Dans ces pays du Midi, ce qui se passait en Alsace, dans l'Est et dans le Nord, et les masses d'annexion de ces départements, ces provinces, ne préoccupaient pas l'opinion. Inutile de vous dire que je n'étais pas dans cet état d'esprit. Paris, mon Paris, t'as changé de physionomie, tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans la pluie, tu vois les femmes avec leurs souliers droits, quand elles marchent sur les pavés droits, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Y'a des pigeons sur l'opéra. Il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le chronome n'a pas vieilli. Les hommes sont les uns contre les autres. Je comprends. Comme la nationalité divise les la culture aussi. Si dans le sud de la France, beaucoup de Français comptent sur Pétain pour préparer une éventuelle revanche, dans la zone occupée, le sentiment de résistance apparaît très tôt. Même les efforts déployés par la propagande pour rendre la présence allemande pour cette raison, est-ce qu'il ne faut pas déconditionner vous cherchez à atteindre une liberté qui soit telle que l'homme soit plus libre. Et dans les différents quartiers de la capitale, nous avons dans cette liberté, cultiver la bonne conduite. Cultiver la conduite qu'il faut avoir. Et qu'est-ce qu'elle est, cette bonne conduite? D'aimer. Les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et les dimanches, c'est les gens font feu devant les guichets. Vous savez, ça le mettre en marche. C'est bon, c'est pas c'est parce un que mot ça trop vague. Trop vague et tellement abusé. Rien n'est changé. Oui. Dans les rues. Mais mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus précis, mais peut-être considérer, faire attention. Faire attention, oui. L'attention semble avoir une part énorme dans, ce, dans votre pensée. Vous dites quelquefois, justement, que c'est parce qu'on ne sait pas faire attention ou voir d'une manière nouvelle qu'on n'atteint pas la vérité. Ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez comme une parabole ou presque un conte ou des images qui peuvent faire comprendre ça? Non, ça, c'est... Non. Les images, non. Les symboles, les images, ce sont des ombres. L'ombre n'est pas la vérité. Vous ne voulez pas parler en parabole. Parabole. Vous savez, la bonne conduite de l'homme est tellement complexe. Oui. Tellement diverse. Avait toujours vécu à vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté mais la division sur oui. Si, division entre les hommes, division entre femmes et l'homme. Tout ça est... Division même entre division en soi-même. Oui. Quand il y a cette division, c'est, il y a toujours ce conflit, ce... Mais quand il y a un conflit, on ne peut pas penser clair. Et comment ne pas être divisé pour un homme? Par attention. Les personnes ont l'air de tout aussi bien se porter, d'être oui. Tout aussi joyeux qu'auparavant. Dans tous les magasins, remarquez, vous pouvez trouver tout. Vous savez ce que vous dire attention. Dites-le-moi. D'être conscient de tout, de la couleur de cette corbeille, d'être conscient de cette forme, vigilant et accessant, à tel visage. Et vous savez, la vision des Allemands installés sur le sol français, choisir. Le passage de la ligne de démarcation qui existe déjà, sans le faire agir la ensuite, pensée. Ensuite, l'arrivée à Paris, le drapeau allemand flotté sur la tour Eiffel, les grandes inspections qui étaient sur la chambre des députés, la présence dans les rues de véhicules, dans le passage au ras des boîtes de l'avion allemand. Tout ça n'était pas fait par hasard, naturellement, c'était pour impressionner la population. Eh bien, chez les jeunes, ce genre de manifestation provoque une réaction absolument inverse. Passé pour un certain il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que ça moi, pas ou je, de ma personne. Sonia Loise est étudiante aussi, vous avez 17 donc, ans. Comment est-ce que vous avez vécu cette attention, la défaite mais des une action totale. Le sentiment prédominant, je crois, était celui si de l'effondrement de monde qui s'écroulait. Il n'y avait plus rien. On ne savait pas où on allait. Et aussi, j'ai ressenti assez fortement le sentiment de trahison vis-à-vis de nos alliés anglais. On peut faire quelque chose. Et le fait que l'on pouvait vraiment faire autrement, puisque je mais comment créer une continuité récemment, notre armée, notre aviation considérait comme la plus forte du monde, et qu'en plus nous avions nos colonies où nous pouvions parfaitement bien nous retirer et oui, continuer le temps. Je me trouve dans un petit village de le Charente-Maritime où j'avais une maison de campagne, très modeste d'ailleurs. Dire, Christian Pinault, futur responsable de Libération. Dans et où 22 de mes amis étaient venus chez Réfugié. Des amis de toute tendance. Et un matin, j'ai donc le temps est une notion déjà qui n'est pas créée par la pensée. Lorsque tout à coup, on entend un grand bruit, on voit passer pour vous, l'attention est plus des automobiles, des chars, physique et aussi qui défile avec des jeunes tendus sur une nouvelle décharge, le bras levé. Et alors j'ai c'est une vraiment ce qu'on appelle la qu'on peut avoir à tout instant. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre. On donne l'attention. Je crois que c'est ça qui compte au départ. C'est cette première réaction qui fait qu'on entrera ou qu'on n'entrera pas par la suite dans la réalité. Et je rentre chez moi. Et il y avait, je raconte, donc, je donne mon impression. Si je fais attention, et il y avait là Francis une de Lévy, pour moi. Vous connaissez peut-être qu'il était un oui, non pas en moi, même. Qui dit, ben non, moi, je ne réagis pas du tout. Je crée une unité avec les choses. Je préfère encore les Allemands à la cité. Vous savez, très curieux comme réaction. Et ce jour-là, les 22 personnes qui étaient là, il y en avait, disons, 15 de mon avis, 7 de la vie contraire. On était déjà divisés en deux groupes. Marie-Madeleine Fourcade, bien avant de prendre la tête du réseau Alliance, c'est en zone occupée que pour la première fois vous voyez des Allemands. Donc vous arrivez parlant le basque. L'arbre. Ils ont jamais été des cordes. Il y a cette image. Ils avaient tout préparé. Entre vous et l'arbre. Et la distance. Horrible. Entre vous et l'arbre. Distance pour dire le temps. Et le mouvement. C'est pas tolérable. Alors là, nous sommes dit. Et la division entre vous et l'arbre. Il faut que ça vaille. Alors comment c'est ça. C'est comme ça. Entre mais avec qui et avec quoi et fin 1940, si quelques-uns en ont la volonté, personne n'en a les moyens. Les trois grands mouvements de résistance qui apparaîtront fin 1941 n'existent pas encore. Et leurs futurs dirigeants, Henri Freinet de Combat, Emmanuel Dastier de Libération et Jean-Pierre Lévy de Franc-Tireur sont encore inconnus et bien seuls pour pouvoir s'opposer à une armée allemande grisée par ses victoires et au régime de Vichy encore très populaire. Jean-Pierre Lévy. Résister, personne ne savait ce que c'est. Pas plus moi. L'accumulation de la pensée. Et je n'ai pas décidé de résister, j'ai dit, il faut me battre et tout. On ne peut pas vous savez, la pensée, c'est... Je me rappelle avoir rencontré l'autre ami. Les réactions de la mémoire. Du travail, que j'ai retrouvé sans peine grâce à votre... Et donc c'est abusé. Non, attendez. Mais je crois que je vais faire le battre. La mémoire pour la connaissance. La science, comment on pouvait se battre, voilà, quel était mon intérêt. Je disais, je veux faire quelque chose. C'est le, mais, l'accumulation chose, mais de l'expérience, de connaissance et tout ça, le même droit. C'est le patrimoine humain. Voilà. Oui. Je veux faire quelque chose, quoi, comment entre quel moment, les hommes, vous décidez de résister. La pensée est l'effet. À partir de quel moment j'ai décidé de résister? Je crois que c'est à partir du premier jour où j'ai été fait prisonnier de guerre. Dans les jours, ça divise les un 21 juin 1940. Un Allemand, un Français, un Hindou, un Juif, un Arabe. Oui, c'est la division. Plus j'ai pris conscience de ce qui se passait en France, plus j'ai senti une opposition. Violence. Et une opposition non passive. La jalousie. Ce qui était possible de faire, et je ne voyais pas bien ce qui était possible de faire. Henri Freinet, de quel moment précis date au fond cette volonté de résister aux Allemands et par quoi ça se passait-elle? L'image entre ça, c'est un saint Maxime Schubert, et l'image de soi-même. L'image en août 1940, comprenez, si on j'ai est rédigé tout ça, l'image d'abord à mon usage personnel, donc une sorte ça, de manifeste dans les pages compliquées. L'écran disparaît, et on est en harmonie, peut-être avec le monde, ensuite, avec le monde en soi-même, donc avec les autres. Oui. L'homme est le monde, et le monde est l'homme. Et comment ça, c'est votre vérité, votre conviction. Et non, c'est pas juste, à ce moment-là, c'est pas utiliser le mot résistance. C'est juste. Mais qui dans tous les cas, si c'est né en 40, vous voyez, regardez. On ne peut pas se soumettre pour telle et telle et telle raison. Et le moyen sera la lutte à la fois du cœur, du corps et de l'âme. Henri Freinet, le choix que vous faites de résister, d'agir contre l'Allemagne, ce qui est contraire à la convention d'armistice, de penser même que l'Allemagne puisse perdre la guerre en 1940, c'est un acte presque de folie. Oui, tout à fait. Mais je pense que quand on est dans un cas comme celui-là, pas des Juifs, il n'y a pas à mesurer les chances de succès. Ils sont conditionnés. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas les accepter. Tout. Par l'histoire. Et quels que soient les risques que d'ailleurs à l'époque nous mesurions nullement, pas du moins pas pleinement. Au départ, j'étais un peu boy scout. Naturellement, les gens que nous avons recrutés, ou tentés de recruter, je suis un juif. Vous regardez très souvent en 1940. L'autre, avec un air de gentille approbation. Cette division, c'est le cause de du conflit. Et vous pensez qu'il est possible de lutter? Oui, il ne faut pas lutter. Évidemment, la logique était avec eux. Pas des mouvements. Dieu merci, c'est pas toujours la logique. C'est bête d'avoir cette division. Bien sûr, mais il ne faut pas lutter contre, il faut faire autre chose. Il faut comprendre. Il faut comprendre et se placer ailleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, regardez. Quand je vois un C'était Les Premiers Résistants. Je le vois. Première partie, Le Choix. Avec les témoignages de Raymond Aubrac, Gilbert Brussard, Sonia Eloi, Marie-Madeleine Fourcade, Henri Freinet, Pierre Lefranc, Jean-Pierre Lévy, Hervé Montjarret, Christian Pinault, Serge Ravanel, Henri Roltangui, Pierre-Henri Tedgen, Germaine Tillion, André Tellet, et les voix de Philippe Pétain, Charles de Gaulle, Samy Simon. D'être conscient de moi-même, mes images, comme un hindou, comme un chrétien, comme n'importe qui. Les textes étaient lus par Denis Manuel et Gunther Rie. Documentation sonore, Marc-André Pennet. Donc il y a une relation directe. Dans cette relation directe, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tout ce qui... Il n'y a plus de conflit. Si je me vois... David Fado, Maurice Piard. Une émission de Patrick Gélinet, réalisée Yann Millot. A un très grand chef. L'image, vous savez, d'études. Oui. De la Seigneur. Oui. Vous comprenez? Oui. Cette image divise les hommes. Vous savez, c'est quelque chose de formidable. L'autre jour, en Angleterre, j'ai entendu un prêtre disant, vous savez, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de toutes les religions à l'Orient et tout ça. Il dit, vous savez, ils ont tous un peu de vérité. Moi, nous avons la vérité suprême parce que nous avons Jésus-Christ. C'est son conditionnement, vous comprenez? Oui. C'est son image. Oui. Cette image divise. Oui. Mais non, en disant qu'il faut aimer, il faut... Il faut. Ouais. Mais l'approche de Dieu... Ah, ça... Pourquoi? Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui a débuté. Vous avez eu l'occasion d'entendre les premiers résistants parler, Krishnamurti également parler, et nous entendons les sons de la mer actuellement. Avec en fond également. Vous êtes donc à l'écoute du 92 de Toulousain ou du canal Sud voit bien. .net, tiens. Nous sommes actuellement dans les studios donc et nous allons diffuser donc de la nuisance pure et sonique ce soir pour vous. Pour votre bon plaisir, messieurs dames. Donc, rajouter un peu de basse, un peu d'aigu, laisser le gain, on sait jamais. Tout ça donc pour vous. This is all for you. For us, should I say. Si on voyait, vous voyez quelque danger, on n'approche jamais, on ne l'approche plus. Mais nous sommes habitués à ces dangers de montagne, ces dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients de nos réactions, des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscients des images, c'est fini. Je ne connais plus. Mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. La nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées, qui ont basé sur le monde, les images, les symboles, ce sont des folies. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît?

fucking hell here. We're all gonna die. Pause momentanée. Pour vous dire que l'émission de Love Black Music ce soir sera à l'heure, sans temps, à l'heure. Vous avez bien compris ? L'émission suivante après Nuisance sera à l'heure. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Entendez bien, tous et toutes. Oh my God, it's full of shit. Nous avons constaté une légère blessure à l'avant gauche. Le bras étant à la place de la tête ce soir. Et le doigt, toujours un mont, va à l'eau. Car quand tout s'en va, en bas. Le cliché dans la faisance. Faisandé. dans quelles conditions naissent exactement ces étoiles, puisque maintenant je crois que les choses sont au moins approximativement assez claires et que l'on a une idée assez précise de la manière même dont se forment les étoiles. Alors, donc on cherche là où on voit les étoiles très brillantes et on regarde un peu les conditions qui environnent ces étoiles. Ces étoiles brillantes apparaissent toujours en groupe, ce qu'on appelle en association. Et on note que ces associations sont toujours à proximité de grands nuages interstellaires, c'est-à-dire de grandes masses de matière diffuses, de poussière et de gaz qui occupent les lieux variés dans les galaxies, surtout dans le plan de la Voie lactée qui représente l'ensemble. Oh my god, it's full of shit. On a beaucoup étudié la topologie et la géographie de ces régions où apparaissent parfois des étoiles très brillantes, des nuages interstellaires, et on y voit des objets qui émergent, des objets qui l'énergie nucléaire. Mais tel que vous nous l'avez présenté, on a l'impression donc qu'il y a au début l'énergie gravitationnelle, puis ensuite l'énergie nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas, disons, un cycle plus compliqué, plus exactement, est-ce qu'il n'y a pas des suites de phases gravitationnelles et puis des suites de phases nucléaires? Et il y a surtout, alors je crois, cette question de la stabilité des étoiles, dans la mesure où généralement on pense que l'étoile tient, est stable, grâce aux réactions nucléaires. Alors, il n'y a pas là une vue qui peut... Oui, c'est une confusion. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on pourrait appeler la dynamique de l'étoile, stabilité, et la stabilité est assurée par un équilibre entre sa masse, qui veut l'écraser sur elle-même, et sa chaleur, qui tend à la dilater. Alors, le étoile est donc un système en équilibre très stable entre ces deux forces. Et puis il y a par ailleurs la source de son énergie qui est successivement gravitationnelle. Alternativement, les phases gravitationnelles et nucléaires. I don't know. do you know where you are? Why do you go down to something like to Agaga? Ayaj! Kada white snake. Scallywag. Oh, you don't think that? Cut up to diet. Kada to diet. No go. Nina tati. Et ainsi vient la foule qui, sentimentale ou démembrée, toujours passéiste, mais toujours présente, comment faire quand la foule est lasse ? Plutôt se démembrer soi-même que de se lasser. Vous étiez donc à l'écoute de Nuisance, l'émission éminemment brutiste de Canal Sud 92.2 FM dans le contexte toulousain ou sur canalsud.net sur le web. L'émission suivante s'intitule Love, la musique est là. Il n'est pas lasse de être là. Donc un anniversaire ce soir, l'anniversaire de la vie, la belle vie que nous aimons tant, nous l'adorons tant, que je vais me démembrer devant vous ce soir, pour vous, c'est fait, voilà, aïe, j'ai mal. Entendez en fond les bandes de Canal Sud car je vais passer la main à d'autres. Car Canal Sud est une association énergétiquement liée à la nuit en ce qui concerne les émissions de nuit. Allez, ciao ciao, amusez-vous bien, bon anniversaire. Au mieux qu'ils finiront, faut éviter que la bouteille de Sky soit leur